Alors ma présentation, alors je suis pas du tout philosophe, hein, je suis démographe. Ma présentation s'intéresse au tremblement de terre de Lisbonne qui a eu lieu le 1er novembre 1755, et puis surtout sur les implications qu'il a eues sur les représentations des grands cataclysmes. Et je montrerai en conclusion que ce qui s'est passé en 1755 est encore aujourd'hui d'une brûlante actualité. Alors, je prendrai 2 minutes pour rappeler les événements, mais je pense que tout le monde sait ce qui s'est passé. Le 1er novembre 1755, à 9h40, des premières secousses très violentes se font sentir à Lisbonne. La magnitude est entre 8 et 9 sur l'échelle de Richter, donc on est vraiment dans les tremblements de terre les plus violents. Et il semblerait qu'effectivement ce soit un des plus puissants tremblements de terre qui se soit jamais produit, il me semble, qui viendrait juste après celui de Valdivia au Chili en 1960. Emmanuela pourra peut-être confirmer. C'est un type de séisme qui survient en moyenne une fois tous les 1100-1200 ans. Donc c'était vraiment un événement exceptionnel. Et du fait de son ampleur, il va faire l'objet d'études scientifiques très poussées et qui ont donné véritablement naissance à la sismologie moderne. Lorsque les survivants se sont enfuis pour se réfugier loin des constructions, donc se sont rassemblés dans le port, ils sont arrivés pile avec trois vagues successives de 5 à 15 mètres. Donc il y a eu un tsunami qui a submergé le port du centre-ville, détruisant tout sur son passage et jusqu'à rejoindre le Tage. Troisième catastrophe, mais c'est vraiment, on est dans les scénarios classiques. Après un tremblement de terre, c'est le tsunami, mais c'est également l'incendie, puisque nous sommes en novembre, il fait froid. Les cheminées sont allumées et les cheminées vont s'effondrer, provoquant des incendies qui ne seront maîtrisés qu'au bout de 5 jours. Autre chose, les effets du tremblement de terre se font sentir bien au-delà de Lisbonne, puisque même Algarve, qui se trouve à l'extrême sud du royaume, est touchée. Les secousses atteignent la Finlande, l'Amérique du Nord, la Martinique, la Barbade, les côtes marocaines. Donc c'est vraiment un événement exceptionnel. On estime qu'il y a eu entre 50 et 70 000 morts sur une estimation de 275 000 habitants. Donc on est dans les 22% de la population qui aurait été détruite. 1er novembre, c'est également le jour de la Toussaint. Donc il y avait de grands rassemblements humains dans les églises qui se sont transformés en pièges puisque les constructions se sont effondrées sur les gens qui étaient dans les églises. Et puis des pertes matérielles très importantes, en particulier la destruction de l'hôpital Royal Todos Los Santos, le palais royal, etc. Donc un événement véritablement exceptionnel qui va remettre en question le rapport de l'homme au hasard. D'abord, le bilan est très lourd. Qui a ému les cours européennes, les savants, les théologiens, les philosophes. Lisbonne est une capitale profondément catholique. Les habitants sont réputés pour leur attachement à la foi chrétienne. Et puis le fait que le séisme soit produit par hasard le jour de la Toussaint et qu'il ait tué en premier les fidèles qui étaient dans les églises. Donc tout cela va entraîner un grand débat. Évidemment, vous avez la notion de théodicée, la justice de Dieu qui va inspirer de profondes réflexions. Vous avez Voltaire, Rousseau, ça on le sait, qui ont réagi, mais également Kant, Michel, des philosophes qu'on connaît un petit peu moins. Et tous ces philosophes vont entrer en conflit chacun en défendant sa propre vision du courroux divin, du mal sur terre, du hasard, du risque, du cataclysme, etc. Alors, commençons par Monsieur Voltaire. On connaît sa pensée bien avant les événements de Lisbonne, puisque dans Zadig ou la Destinée, il nous disait: les hommes pensent que cet enfant qui vient de périr est tombé dans l'eau par hasard, que c'est par un même hasard que cette maison est brûlée. Mais nous dit-il, il n'y a point de hasard. Tout est épreuve ou punition, ou récompense ou prévoyance. Il va écrire ensuite le poème sur le désastre de Lisbonne et en 1759, il va publier Candide, dans lequel il va caricaturer la position de ses adversaires à travers sa célèbre formule « Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes ». Alors, il nous dit qu'une catastrophe naturelle est finalement un hasard de la vie, un événement qui aurait pu se produire quelque temps plus tôt, quelque temps plus tard, en un lieu différent. Donc il va en déduire que le monde n'est pas parfait et que la condition humaine est assurément difficile. Il va s'adresser à tous ses adversaires, les philosophes optimistes, dans son poème sur le désastre de Lisbonne. Il va leur dire, philosophes trompés, qui criaient tout est bien, couraient, contemplaient ces ruines affreuses, ces débris. Alors il utilise des images vraiment un peu pénibles. Ses enfants, l'un sur l'autre entassés, sous ses marbres rompus, ses membres dispersés. Donc il utilise des mots véritables assez forts. Ses réflexions sont très largement médiatisées. Elles sont approuvées par un certain nombre de penseurs qui pensent que le séisme de Lisbonne reste après tout un châtiment divin qui appelle donc peur et rédemption. Vous avez en particulier le médecin et philosophe allemand Johann Gottlob Krüger, qui était professeur à l'université de Hallstatt en Basse-Saxe, également membre de l'Académie de Prusse, qui va même aller jusqu'à expliquer que ce tremblement de terre réalise les versets d'un psaume biblique. Alors, vous avez évidemment des intellectuels qui vont contredire Voltaire, et en particulier, vous avez Rousseau qui va s'adresser directement à Voltaire. Alors, il lui dit, sans quitter votre sujet de Lisbonne, convenez par exemple que la nature n'avait point rassemblé là 20 000 maisons de 6 à 7 étages. Alors, Lisbonne était connue pour son architecture verticale, donc on construisait en hauteur, et que si les habitants de cette grande ville eussent été dispersés plus également, ce qui était une forme architecturale plus sûre et plus légèrement logée, le dégât eût été beaucoup moindre et peut-être nul. Donc, il met véritablement en cause l'architecture de Lisbonne, les habitants de Lisbonne qui n'avaient pas su se protéger, qui habitaient d'une manière risquée. Et donc c'était véritablement leur faute. Et puis autre chose, Rousseau va incriminer les comportements des habitants de Lisbonne face au désastre. Alors il nous dit combien de malheureux ont péri dans ce désastre pour vouloir prendre l'un ses habits, l'autre ses papiers, l'autre son argent. Donc il nous dit, si beaucoup ont péri, c'est parce qu'ils n'ont pas fui, ils sont restés attachés à des éléments matériels comme leurs vêtements, leur argent, etc. Et donc finalement, il nous dit qu'une fuite organisée dans le calme aurait certainement permis de sauver la vie de milliers d'habitants. Alors, bon, il a écrit beaucoup de choses. Vous aurez voulu que le tremblement se fût fait au fond d'un désert plutôt qu'à Lisbonne. Alors, il nous dit quelque chose d'important à la fin de ce paragraphe. Mais que signifiera un pareil privilège? Sera-ce donc à dire que l'ordre du monde doit changer selon nos caprices, que la nature doit être soumise à nos lois et que pour lui interdire un tremblement de terre en quelques lieues, nous n'avons qu'à y bâtir une ville. Donc il nous dit, après tout, les habitants de Lisbonne ont choisi ce lieu, ils ont choisi d'habiter près de la mer, ils ont choisi d'habiter sur une faille sismique, donc ils méritent leur sort finalement. Et donc il va remettre en question l'intervention divine, ce n'est plus Dieu qui punit, hein, on est loin de la théodicée. Et même quand il s'agit de catastrophes naturelles, c'est bien exclusivement à l'homme que revient la faute pour avoir rompu l'équilibre naturel. Donc c'est l'homme qui est véritablement en cause, ce n'est pas Dieu qui punit. Voilà. Alors Rousseau va même anticiper, il va en soulignant la responsabilité de l'homme. Alors il nous dit que finalement... les associations d'hommes sont en grande partie l'ouvrage des accidents de la nature, donc il est le fait même que les hommes vivent ensemble en trop grand nombre, cela va les rendre plus vulnérables, ce qui va un petit peu à l'encontre des traditions. Et il nous dit également que non seulement les catastrophes naturelles ne sont pas des hasards, mais également celles à venir ne seront pas non plus un hasard, puisque l'homme s'entête à vivre dans un lieu dangereux. Donc on a vu hier ce que nous disait Célestin à propos des maisons mobiles. Donc bien que alors je ne sais plus dans quelle région il... enfin, donc en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, ils sont dans une région qu'ils connaissent dangereuse, mais ils persistent à rester. Ils vont même jusqu'à mettre en place des systèmes de maisons mobiles, etc., pour rester là-bas malgré tout. Donc cet entêtement de l'homme, finalement, eh bien, c'est un élément de plus dans sa vulnérabilité. Voilà. Alors, je voudrais arriver à d'autres philosophes dont on connaît moins bien les réactions. Donc, on sait que Rousseau et Voltaire se sont crêpés le chignon à propos de Lisbonne, mais on sait moins bien le rôle de Kant. Alors, Kant, au moment du séisme, il est encore jeune, il a 30 ans, et il est véritablement fasciné par l'ampleur de la catastrophe. Alors, il va commencer par écrire une théorie, on va se rendre compte plus tard qu'elle est totalement fausse, à la théorie selon laquelle il y aurait de grandes cavernes souterraines emplies de gaz chaud et qui entreraient en mouvement pour causer les séismes. Alors il nous dit les tremblements de terre nous révèlent que vers la surface la terre est creusée de cavernes et que sous nos pieds des galeries de mines secrètes courent de toutes parts en de multiples dédales. Les cavités contiennent tout un feu ardent, donc il y a toujours cette image du feu, ou du moins une matière combustible qui n'a besoin que d'une légère simulation pour faire rage avec furie, etc. Alors évidemment, la sismologie moderne va démentir ces théories qui sont fausses, mais un élément très important ici, et c'est tout à l'honneur de Kant, c'est la première fois que le surnaturel est mis de côté et puis qu'une explication naturelle, plus ou moins scientifique, au séisme est produite par un intellectuel. Alors il nous dit qu'il existe des lois naturelles qui expliquent la formation des reliefs, qu'il revient à l'homme d'étudier ces lois, mais nous dit-il non pas pour résoudre la question du mal et comprendre si Dieu a érigé les montagnes pour le bien de l'humanité ou pour la punir. Donc il faut essayer de comprendre, mais laissons de côté l'aspect divin. Le scientifique, nous dit-il, doit comprendre les lois naturelles régissant les événements catastrophiques comme ceux de Lisbonne, afin d'anticiper. Donc on est ici dans une nouvelle manière de se représenter le cataclysme, puisqu'on est, il nous dit que ce cataclysme, en fait, il entre dans un cycle. Donc si une catastrophe s'est produite aujourd'hui, essayons d'anticiper, essayons de comprendre s'il n'y a pas un cycle, est-ce que ça ne va pas se reproduire dans quelque temps? Alors, pour lui, il est très important d'identifier les signes annonciateurs des séismes, ce qui est un gage de survie, nous dit-il. Donc, pour survivre, essayons de voir, d'identifier les signes qui pourraient annoncer une catastrophe, afin de fuir avant même l'avènement des cataclysmes. Donc on n'est pas du tout dans les... Il dénonce complètement les traditions de rester sur place après un séisme. Alors à propos du séisme de Lisbonne, il annonce avoir observé des événements étranges, couleurs rougeâtres dans le ciel, des pluies violentes, des dépôts de poussière rouge, et puis autres signes avant-coureurs de ce qui, après tout, n'est qu'un cataclysme naturel, explicable et anticipable. Donc ce sont les deux mots qu'il emploie. On peut l'expliquer et puis on pourra l'anticiper. Alors d'autres philosophes dans la foulée vont approuver, vont aller dans ce sens. Le philosophe allemand Walter Benedict Schönflies, Benjamin, va lire le livre de Kant sur les séismes et il en conclut. Il représente probablement les débuts de la géographie scientifique en Allemagne et très certainement ceux de la sismologie. Donc on a l'impression que Kant va lancer un petit peu ce mouvement de la sismologie moderne. Et c'est d'ailleurs à partir de là que le physicien astronome britannique John Michell, qui est considéré comme le fondateur de la sismologie moderne, va commencer à suggérer que, effectivement, les mouvements de sol impliqués dans les séismes se propagent jusqu'à l'intérieur des terres. sous forme d'ondes à partir d'une rupture dans la croûte terrestre. Donc on n'est plus dans les châtiments divins, là on est véritablement dans les sciences. L'origine du mal est maintenant connue, expliquée, et on va commencer à mettre fin au questionnement des philosophes d'avant Lisbonne. Alors j'en arrive à ma conclusion. Alors que retenir de tout cela? D'abord, que véritablement le séisme de Lisbonne a été le point de départ d'une querelle entre philosophes, mais également on en est arrivé à comprendre que plus rien ne se produit par hasard, tout peut être expliqué d'une manière cartésienne, je dirais, hein, logique, scientifique, et qu'on va pouvoir anticiper. Autre chose, on comprend que désormais, en cas de catastrophe, il y a des procédures. Donc le mot, c'est un anachronisme, mais on comprend qu'il y a des procédures à mettre en place, qu'il faut savoir réagir pour se protéger. Alors, et puis c'est la naissance, à partir de là, de la sismologie moderne, qui va être alimentée par les théories de l'astronome allemand Tobias Mayer, le mathématicien allemand Johann Friedrich Jacobi, le philosophe allemand Johann Gottlob Krüger. Donc ce sont surtout des scientifiques allemands qui vont réfléchir sur, et puis véritablement créer, si je peux utiliser ce terme, la sismologie moderne. Alors je disais tout à l'heure en introduction que cette querelle de philosophes, cet aspect châtiment divin, etc., est d'une brûlante actualité. J'ai travaillé, je travaille actuellement avec les Nations Unies sur les ouragans qui ont frappé Haïti. Alors vous avez en novembre 2010 l'ouragan Thomas et puis plus récemment l'ouragan Mathieu, avec en parallèle ces épidémies de choléra qui frappent Haïti depuis un certain temps. Alors, le problème qui se pose maintenant, c'est que en Haïti, les habitants, les victimes demandent des compensations aux Nations Unies, demandent des compensations à leur gouvernement. Et puis, alors maintenant, les arguments qui sont adressés aux Haïtiens pour ne pas leur donner de l'argent, parce qu'on demande des sommes énormes, alors ce qu'on leur dit, c'est que c'est votre faute. Il ne fallait pas construire dans des zones inondables, il ne fallait pas construire, il fallait évacuer, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Donc si on retrouve ici ce que nous disait Rousseau, c'est que si l'homme est victime de catastrophes naturelles, finalement c'est sa faute. Alors les arguments de Rousseau sont donc aujourd'hui utilisés dans des buts financiers, hein, par le gouvernement haïtien, par des organismes comme les Nations Unies, pour éviter de débourser de l'argent, pour éviter de payer les habitants, de compenser les victimes. Et ça me semble quelque chose d'assez intéressant à étudier. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.